Il faut du talent pour dire je t'aime quand nous reviennent nos nuits anciennes. Il faut du talent. Que je t'aime, mon cœur est léger, il est comme étranger en moi. Je t'aime. Il faut du talent pour dire je t'aime quand vient l'angoisse du temps qui passe. Notre avenir. Aimais-toi depuis que je t'aime. Je me sens presque en danger. Aimais-toi depuis que je t'aime. Mon cœur est muet, il est comme étranglé.